À un moment donné, je disais à quelqu'un, j'ai dit, je me préoccupe pas de ce qui va m'arriver, vraiment. C'est-à-dire, je m'en fous un peu, je m'inquiète pas. Puis la personne, elle m'avait répondu, elle a dit, ouais, mais si c'était le cas, tu aurais agi de telle façon, puis de telle façon, tu n'aurais pas agi de telle façon. La personne comprenait pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire, je m'inquiète, je me préoccupe pas au niveau psychologique de ce qui peut m'arriver. C'est-à-dire que j'essaie d'être tout le temps disponible à une spontanéité de ma perception. Puis j'agis selon ça. C'est quand je dis que je me préoccupe pas de ce qui m'arrive puis que je décide jamais rien, ça veut pas dire que je m'en fous. C'est pas au sens, je m'en fous au sens psychologique du terme. Mais si je m'en fous au sens psychologique du terme, c'est justement parce que j'ai mon propre intérêt d'une façon qui transcende ça. Donc, j'essaie de ne pas m'inquiéter puis de me préoccuper parce que je le sais que l'information qui vient par du ruminement comme ça est jamais la bonne. Mais souvent, je vais m'exprimer d'une façon, mais les gens ne comprennent absolument pas de quoi je parle parce qu'ils sont trop au premier degré. Ils sont trop, justement, bloqués par la forme. Ça devient tannant. Puis ça, c'est l'héritage de notre tout notre passage dans la philosophie puis dans la culture au sens la culture Intellectuel, littéraire. là, le cartésianisme européen, ainsi de suite. Donc, si le fait qu'on densifie nos structures psychologiques au point de créer l'intellect, ça fait que les lentilles sont devenues tellement opaques que c'est devenu des toiles de projection, qu'on voit même pas d'où on vient puis d'où on s'en va parce qu'on s'enferme dans des voiles comme ça, c'est là où ça donne à rien même d'essayer de force de déconstruire ça, dans le sens que ça donne à rien d'aller commencer à faire la guerre aux institutions, puis ces choses-là vont se défaire d'elles-mêmes.